And you're back on KFAI. You're listening to Bonjour Minnesota. We just listened to three songs, Jules with La Route est Longue, La Crime, No Lo Sé, and SCH was the last song we listened to with 2000. And we're going to say goodnight. Thank you for listening tonight to the 2024 recap. And more next week? Yes, there will be more next week, and maybe it will be a show with some of the people that passed and some songs that were iconic, mm-hmm. And yes. Kind of as a tribute to them. So stay tuned for what's coming up next week. I will not be there. Yeah. But Romain should be back. Romain will be back. And thank you for listening to us. We really appreciate your support. Be good, be well, keep listening to non-commercial community-powered radio through KFAI. And Nikolai just arrived in the studio for Balkan Jamboree. So in the meantime, we're going to listen to Jules avec Tonton, and Daniel will be Balkan Jamboree. See you next week. Bonne nuit, au revoir. Avec ton temps, estaillé d'ici, ouais, c'est tentant. Enfermé, ça déguste en zonzon. Ça porte de moi, tu le sais, tu l'y prends tant. J'vois l'autre de la ville, j'suis dans l'ovni. Sous Cali, j'suis posé avec le J. C'est le sang, c'est le dum, c'est la famille. On fait de l'or, du platine, de la money. J'ai fait TP toute la semaine. J'me dis, faut que je reste le même. Pas sans celui qui me suit, c'est qui m'aime. Même, sans d'ovni dans les veines. Un truc je savais. Ils ont pris la caisse mais il reste du shit. Il a fini en GAV parce qu'il a insulté les Schmitt. Sur le tarif de platine sur l'Elysée ou place Vendôme. Comme moi riche dans mon coin tu me vois pas comme un fantôme. Tu me vois pas trop sur net, tu me vois pas trop à l'antenne. Cramé, choisi mes habits en visio Aston. Même si on m'a fait du mal moi je peux pas faire un gars. On m'a fait des petites actions donc là je vais m'en faire un gros. Regardez ce carfait, je me suis endormi à Rebenga. Sur pépé, heureusement qu'il reste des comme t'es gars. Faut 10 ans mon sas, qu'est-ce que tu veux que je te dise? T'en parles pas trop en bas, c'est la jungle dans 9-4. Ça rafale dans le 13, est-ce que qui complote? On est chaud comme la braise. Ça me ramène la frappe, c'est l'eau fanée. J'oublierai jamais la galère, les fins du roi. Parce que je suis du clan des affamés, ouais.